Ok, on débarque, veste en cuir, paire de Nike, indigène se démarque, ça va laisser des marques. Depuis nos premiers textes, on reste succès dans le rap conscient. C'est ce qu'on te racontait ça depuis l'adolescence. Aucune invention, on reste nous-mêmes jusqu'au trou de balle. Le zonard met des cas, c'est deux mecs qui ont la dalle. Un flow différent, un profil identique, les mêmes références, le style est unique. Y'a ceux qui servent de l'essence, ceux qui prennent un micro, ceux qui pratiquent la violence pour montrer qu'ils existent. N'oubliez surtout pas que c'est nous qui allons faire l'avenir. La galère n'est pas l'objectif, je préfère vous prévenir. Notre but, c'est la peine, justice et du respect. Le son glisse sur l'instru et j'espère que ça te plaît. A la prod, la C1, c'est du lourd dans ton crâne. Ça pour ce putain de morceau crade. Indigène, c'est la haine dans les gènes. Chez nous y'a plus de joie et tant pis si ça gêne. Je les cuire à l'ancienne, mec, faut que tu te renseignes. Mais tes gars, le zonard se démarque de la scène. Indigène, c'est la haine dans les gènes. Chez nous y'a plus de joie et tant pis si ça gêne. Je les cuire à l'ancienne, mec, faut que tu te renseignes. Mais tes gars, le zonard se démarque de la scène. Mec de mon âge, on n'a rien à foutre, sont sportifs dans le haram. Beaucoup plus que le fou, j'ai dû savoir. Mais beaucoup plus de doutes, on fera pas croire à moi que je me trompe de route. Y'a des années et des mois que je sais plus où me foutre. Je perds la forme et la foi, je reste coincé dans la sauce. Et pour toutes les larmes, nos mères ont versé. Un mec ici, le mal est controversé. Demande à ceux qui niquent leur paye au tiercé. Mec, ils nous piquent notre fric et on devrait les remercier. M'aperçois pas comme un rappeur qui a envie de percer. Les conneries du rap, moi c'est percé. Nerveux depuis le berceau, caractère de cassos. La voix un peu cassée, Algérie mon assos. On baigne dans la même sauce, on rappe pour la même cause. Indigène, que tu sois bonne ou bien grosse. Indigène, c'est la haine dans les gènes. Chez nous y'a plus de joie et tant pis si ça gêne. Je les cuire à l'ancienne, mec, faut que tu te renseignes. Mais tes gars, le zonard se démarque de la scène. Indigène, c'est la haine dans les gènes. Chez nous y'a plus de joie et tant pis si ça gêne. Je les cuire à l'ancienne, mec, faut que tu te renseignes. Mais tes gars, le zonard se démarque de la scène.